Section 4 de la Bête du Gévaudan. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Stéphanie. La Bête du Gévaudan par Élie Berthet. Chapitre 4. L'attaque. Depuis une heure déjà, le prieur de Frontenac et son neveu Léonce avaient quitté Langogne. Et malgré certaines difficultés du chemin, rien n'était venu troubler leur voyage. À la vérité, ils n'avaient pu rejoindre les cavaliers qui les précédaient certainement. Mais ils entendaient parfois des sons de trompe dans le lointain, et les rares passants avec lesquels ils se croisaient leur donnaient l'assurance que les chasseurs n'avaient pas plus d'un quart de lieue d'avance sur eux. Le père Bonaventure ne cessait donc d'exciter sa mule, comptant, à chaque détour de la route, apercevoir enfin les costumes éclatants du baron et de ses piqueurs, et Léonce l'imitait machinalement. Mais ces excitations ne produisaient pas grand effet sur les rétives bêtes, de sorte que, selon toute apparence, la distance, au lieu de diminuer, devait s'accroître sans cesse entre les deux voyageurs et les cavaliers mieux montés. Après bien des circuits, on venait d'atteindre un de ces hauts plateaux calcaires appelés causses dans le pays, vaste espace inculte qu'entourait des montagnes aux plus élevées. Cette plaine était stérile, nue, dépourvue de verdure. De loin en loin seulement, quelques châtaigniers, à demi brisés par les orages dont la violence est terrible dans ces sortes de lieux, égayaient de leurs feuilles jaunissantes la grise uniformité du sol. Le plateau était terminé par une gorge boisée où s'engouffrait le chemin. Mais quoiqu'il eût une bonne demi-lieue d'étendue et que rien ne pût y gêner le regard, les chasseurs ne paraissaient pas. Aussi la route ne présentait-elle pour le moment aucun obstacle. Le terrain uni, découvert, dépourvu même de broussailles, ne pouvait faire craindre ni embuscade ni subite irruption des bêtes féroces. D'ailleurs, un calme profond régnait dans ce cirque immense. Le temps était beau, et le soleil, encore haut sur l'horizon, laissait l'espoir qu'on pourrait traverser les bois avant la nuit. Le prieur parut donc enfin prendre la situation en patience. Il cessa de tourmenter sa mule, tout essoufflé, non de son obéissance, mais de sa résistance aux excitations du cavalier, et il appela d'un signe Léonce auprès de lui. Depuis qu'on avait quitté la ville, le jeune homme n'avait pas prononcé une parole. La tête penchée sur sa poitrine, il semblait absorbé par ses réflexions. Cependant, il s'empressa d'obéir et marcha côte à côte avec le moine, ce que permettait maintenant la largeur du chemin. « Je crois, mon enfant, dit le prieur, qu'il ne faut décidément plus songer à rejoindre cet orgueilleux gentilhomme. Et ma foi, à la garde de Dieu, peut-être eussions-nous bien fait de prendre à Langogne quelques braves gens pour nous accompagner. Mais nous sommes partis si précipitamment. Enfin, nous ne devons pas être maintenant à plus de 2 lieues du château, et c'est l'affaire d'une heure de marche. À la vérité, la route sera beaucoup moins belle là-bas, dans les fonds de la Monadière. » Et il désignait d'un air soucieux l'espèce de défilé qui terminait le plateau. Léonce ne répondit que par un signe distrait. Quoique d'humeur douce et communicative, il avait été élevé dans une grande défiance de lui-même et dans un profond respect de ceux qui avaient autorité sur lui. Ordinairement réservé et silencieux, il attendait volontiers pour parler qu'on l'eût interrogé. Cependant, sa taciturnité, depuis la scène de l'auberge, était si opiniâtre que le prieur finit par s'en étonner. « Ah ça, mon cher Léonce, qu'avez-vous donc ? » demanda-t-il d'un ton amical, tandis que les deux mules marchaient de front au pas d'amble. « Seriez-vous malade ? Ou bien auriez-vous peur aussi de cette maudite bête dont Dieu nous préserve ?» « Ni l'un ni l'autre, mon oncle. Seulement, je songeais. « À quoi donc, mon enfant ?»« À rien, mon révérend père. » Et le bel adolescent poussa un profond soupir. Bonaventure l'observa à la dérobée. « Léonce, reprit-il avec gravité, je vous dois à la fois des éloges et un blâme. Des éloges pour le généreux enthousiasme avec lequel vous avez tout à l'heure pris ma défense et celle de vos chers protecteurs, les pères de Frontenac. Un blâme pour vous être emporté jusqu'à provoquer un gentilhomme dont les torts ne sauraient excuser les vôtres. « Et quoi ? » demanda Léonce avec une impatience mal contenue. « Fallait-il donc supporter froidement les paroles insolentes de ce monsieur de la Roche-Boisseau ? Fallait-il écouter sans protestation sa vanterie calomnieuse au sujet de mademoiselle de Barjac ? Et que vous importe, mademoiselle de Barjac, mon garçon ?» Léonce se pencha en avant comme pour resserrer une courroie de sa selle, mais en réalité pour cacher la rougeur de ses joues. « Mon oncle, balbutia-t-il. Je croyais, mademoiselle de Barjac est la pupille de l'abbaye, la vôtre. Nous allons recevoir l'hospitalité dans sa maison. Devais-je la laisser traiter avec cette légèreté outrageante? Mais, j'en conviens, ajouta-t-il en s'animant, chaque parole de cet odieux baron agissait sur mon cerveau comme les fumées d'une boisson enivrante. Je ne sais quels instincts inconnus se sont révélés à moi. J'éprouvais un irrésistible désir de m'élancer sur lui, de le frapper au visage. Si j'avais eu une épée, je l'aurais attaqué sur l'heure, malgré votre présence. Mais je n'avais pas d'épée, moi. Je ne suis pas gentilhomme, je suis seulement un humble et paisible élève des pères bénédictins de Frontenac, et j'ai dû dévorer mon affront. En même temps, Léonce, donnant cours à une émotion longtemps contenue, répandit d'abondantes larmes. Le prieur ne parut pas trop étonné de cet attendrissement subi. Il savait peut-être mieux que son neveu lui-même ce qui se passait dans cette âme naïve. Cependant, il reprit avec un mélange de douceur et de sévérité. « Quoi, Léonce, vous pleurez? Est-ce là ce que je devais attendre d'un jeune homme si sage et si ferme dans sa foi, de mon élève chéri, de l'enfant de mes affections, du fils de ma sœur? D'où viennent ces passions insensées qui éclatent ainsi tout à coup? Ne vous ai-je pas dit 100 fois, Léonce, que des créatures raisonnables, faites à l'image de Dieu, ne devaient jamais avoir recours à la force et à la violence, ces armes des brutes? C'est à l'intelligence, à la persuasion que l'homme, le chrétien, doit en appeler. N'imitez pas en ceci la jeunesse turbulente de notre temps. Et surtout les débauchés tels que ce baron de la Roche-Boisseau, toujours prêts à opposer la pointe de leur épée à la raison, à la vérité, à la justice. Eussiez-vous plus tard, par impossible, les avantages de rang et de fortune que vous prisiez trop haut? Souvenez-vous que la colère et la haine sont des vices honteux, indignes de vous. Léon s'essuya ses yeux. « Pardonnez-moi, mon oncle, cet accès de faiblesse, dit-il en raffermissant sa voix, j'en suis encore à comprendre comment j'ai pu m'y abandonner. Mais puisque nous parlons de ma position dans le monde, permettez-moi de réclamer enfin des éclaircissements que le respect m'a empêché de vous demander jusqu'ici, et que pourtant d'heure en heure deviennent plus nécessaires à mon repos. Le moment est assez mal choisi pour une explication, dit le moine, en regardant autour de lui. Si cependant vous avez quelque chose sur le cœur, mon enfant, ne tardez pas à me le dire. Peut-être, mon excellent oncle, aurais-je dû vous révéler plutôt l'état de mon âme, à vous mon mentor et mon meilleur ami. Depuis peu, une noire tristesse s'est emparée de moi. Des rêves d'ambition, de plaisir et de gloire mondaine m'obsèdent le jour et la nuit. Cette inquiétude d'esprit, qui parfois devient une véritable angoisse, a sans doute pour cause d'incertitude profonde où je suis encore de l'avenir qui m'attend. Ma pensée erre dans le vide et s'égare, faute d'une route tracée. Écoutez-moi donc, mon parent bien-aimé, et je vous en conjure, ne repoussez pas la prière que je vais vous adresser. J'ai perdu de bonheur mon père et ma mère, que je n'ai jamais connus, mais ni les soins les plus délicats, ni la tendresse la plus indulgente ne m'ont manqué. Soyez béni, mon digne oncle, pour l'affection à toute épreuve que vous avez témoignée, ô pauvre orphelin. Vous m'avez accueilli dans votre paisible retraite du cloître. Vous vous êtes plu à former mon cœur et mon esprit. Vous m'avez instruit par le précepte et par l'exemple. Chacun des excellents pères de Frontenac, vos amis et vos frères, a voulu vous aider dans cette bienfaisante mission. Les plus savants et les plus sages ont cherché à m'inculquer leur science et leur sagesse. Aussi vous enveloppai-je tous dans un sentiment commun de respect et de gratitude. Je me considère comme votre enfant, et je me demande si j'aurai jamais la force de vous quitter. Cependant, mon révérend père, depuis quelque temps, soit hasard, soit dessein prémédité, vous paraissez faire tous vos efforts pour me détacher du cloître où s'est passée ma jeunesse. Vous vous plaisez à interrompre mes études. Vous ne négligez aucune occasion de me mettre en contact avec le monde. Voici qu'aujourd'hui, par exemple, vous voulez que j'assiste aux scènes bruyantes et tumultueuses d'une grande chasse. Ces exigences, les idées nouvelles et les instincts nouveaux qu'elles éveillent sont cause du désordre moral où vous me voyez. Des mouvements impétueux m'emportent malgré moi, comme tout à l'heure, à propos du baron de la Roche-Boisseau, et leur énergie m'épouvante moi-même. Il dépend de vous de mettre un terme à ces entraînements insensés. Si vraiment je dois renoncer au monde, j'ai la certitude de les dominer avec vos conseils et vos enseignements. Je vous en supplie donc, mon bon oncle et révérend père, permettez-moi de rentrer à l'abbaye le plus tôt possible, d'y prendre l'habit de novice et d'y prononcer des vœux. après l'épreuve ordinaire. Je désirais vivre et mourir, au milieu d'amis qui me sont et me seront toujours chers. » Le père Bonaventure s'attendait sans doute encore à cette proposition, car il ne manifesta aucune surprise. En revanche, des plis nombreux s'assemblèrent sur son front large et chauve. « Léonce, demanda-t-il d'un air pensif, avez-vous bien réfléchi? Cette vocation pour la vie monastique est-elle franche et sincère? Je le crois. Et moi qui lis dans votre âme comme dans un livre ouvert, je suis sûr du contraire. Ces mouvements passionnés dont vous parlez me prouvent clairement que vous n'êtes pas né pour le cloître. Pensez-vous que sous la robe sacerdotale, cette âme fière, ce sang qui bouillonne, ces nerfs irritables s'apaiseraient tout à coup? Non, cette robe vous brûlerait comme la tunique de Nessus. D'ailleurs, mon fils, des motifs que vous connaîtrez plus tard vous interdisent absolument la vie claustrale. « Que dites-vous, mon oncle ? » s'écria Léonce, au comble de l'étonnement. « Me refuserait-on la consolation permise à toutes les âmes blessées ? Mais votre âme n'est pas blessée. » « Et, le fut-elle, sa blessure ne saurait être bien grave à votre âge. » « Ne m'interrogez pas. Vous ne pouvez songer davantage à prononcer des vœux, soit à Frontenac, soit dans toute autre maison religieuse. » Du moins jusqu'à ce que les circonstances aient changé et que vous sachiez bien vous-même la portée d'un pareil sacrifice. Léon s'était consterné. « Mon père, reprit-il, j'attendrai patiemment que vous jugiez convenable de m'expliquer cet étrange refus. Mais si vous me repoussez du cloître, alors bon Dieu, quelle sera ma destinée? J'avais toujours cru, en vous voyant me prémunir avec tant de soin contre les agitations et les orages de la vie mondaine, que votre vœu secret était de m'inspirer de l'aversion pour elle. » S'il en était ainsi, mon enfant, les révérends pères de Frontenac et moi, nous eussions dépassé le but que nous voulions atteindre. Notre unique désir a été de faire de vous un homme instruit, ferme, probre, un chrétien qui fut plus tard un modèle dans la société. Mais tenez, Léonce, ajouta le moine avec une teinte de sévérité, j'ai pénétré le motif de cette prétendue vocation qui vous est venue si subitement. Elle prend sa source dans un orgueil froissé, dans une ambition violemment refoulée. Vous commencez à entrevoir le brillant théâtre du monde, et comme tous les jeunes gens, vous éprouvez le besoin d'y jouer un rôle considérable, d'en conquérir toutes les gloires, d'en épuiser toutes les joies. Or, au milieu de ces aspirations, vous êtes frappé de votre impuissance, de votre humilité. Vous vous dites que les voies qui mènent aux positions sociales élevées sont fermées devant vous, pauvre plébéien, vous le neveu d'un simple moine campagnard. Répondez avec franchise, Léonce. Cela n'était pas vrai? Mon cher oncle, pouvez-vous avoir l'idée? Il existe peut-être encore d'autres raisons, poursuivit le prieur en lançant sur lui un de ces regards qui semblait aller jusqu'à l'âme du jeune homme. Mais celle que je viens d'exprimer est la principale, la moins contestable. Eh bien, Léonce, je ne voudrais pas vous donner des espérances exagérées, mais sachez-le bien, l'avenir vous réserve assez d'avantages pour satisfaire une ambition raisonnable. Ayez donc confiance en vous-même et marchez hardiment en avant, appuyez sur la raison et la justice. Dieu fera le reste. » Comme ces paroles, malgré la réserve qui les accompagnait, eussent pu trop vivement impressionner son neveu, le prieur reprit aussitôt. « Encore une fois, Léonce, ne laissez pas votre esprit se lancer imprudemment à la poursuite d'absurdes chimères, et tâchez de bien me comprendre. Je suis mort au monde, et je n'ai plus rien à rechercher pour moi sur la terre. Mais vous êtes mon élève, mon ami, mon fils d'adoption. Je vous ai vu grandir, j'ai développé moi-même vos bons penchants. Je sais ce que votre cœur contient de vertu, au milieu des imperfections de notre humaine nature. L'ambition que je n'ai plus pour moi, je l'ai pour vous. Je revis dans mon disciple bien-aimé. J'ai donc conçu de nombreux projets pour votre bonheur terrestre, pour votre élévation, et ces projets, les pères de Frontenac, dont vous êtes l'idole, les seconderont de tout leur crédit. Nos efforts, notre énergie, notre influence seront employés à vous assurer une destinée grande et prospère. On eût dit que ces explications avaient excité chez Léonce une sorte de défiance. Au lieu de remercier son oncle, il demeura sombre et contraint. « J'aime à croire, dit-il enfin, que les projets dont il s'agit ne pourront plus donner lieu à des interprétations fâcheuses, et que ces intrigues dont le baron de La Roche-Boisseau accusait les moines de Frontenac... Ah ! Voilà l'effet des paroles venimeuses de ce gentilhomme !» interrompit le père Bonaventure, avec un étonnement douloureux. « Mais vous, Léonce, deviez-vous retourner contre vos amis et vos bienfaiteurs ce trait empoisonné ?» Il y avait tant de reproches dans le ton du prieur que Léonce sauta lestement à bas de sa mule qui s'arrêta. Il courut à son oncle et, lui prenant la main, la couvrit de baisers et de larmes. Pardonnez-moi, pardonnez-moi, dit-il d'une voix entrecoupée de sanglots. Si vous saviez ce que je souffre, je crois que Dieu s'est détourné de moi. La sincérité de cette douleur toucha le père Bonaventure. J'excuse volontiers, répliqua-t-il en souriant avec douceur. Un accès d'égarement, pauvre Léonce. Croyez-vous que je ne devine pas la cause de ce changement bizarre, survenu dans votre humeur autrefois si paisible et si égale, la cause de cette tristesse morne ou de ces emportements qui éclatent tout à coup, comme les tempêtes de l'âme. Mais le moment n'est pas favorable pour traiter de pareille matière. Nous reprendrons ce sujet une autre fois. Remontez à cheval, Léonce, et continuons notre voyage. Le jeune homme obéit avec sa soumission ordinaire, et ils cheminèrent encore quelques instants côte à côte. « Mon enfant, reprit bientôt le moine d'un ton bienveillant, quoique je vous ai pardonné votre faute, je veux vous imposer une pénitence. Nous allons retrouver à Mercoire le baron de la Roche-Boisseau, et je verrai avec satisfaction que vous évitassiez toute discussion nouvelle avec lui. J'ai des raisons particulières pour souhaiter qu'il n'y ait plus entre vous ni haine ni colère, et vous vous repentiriez certainement plus tard de n'avoir pas suivi mes conseils. Eh bien, Léonce, que répondrez-vous ? Je puis mépriser une injure qui me serait adressée, mon oncle, mais devrais-je laisser outrager en ma présence une personne qui aurait droit à mon affection, à mon respect ? Il me faut votre promesse, sans condition, et par votre exactitude à la tenir, je jugerai si vous avez un regret sincère de votre inconcevable emportement. Soit, mon oncle, je vous la donne. Mais à quelle épreuve, mon Dieu, m'exposez-vous sans cesse ? Des épreuves, Léonce, je ne vous comprends plus. C'est à peine si je me comprends moi-même. Ma pauvre tête est un chaos où tout se heurte et se confond. Ah, mon oncle, mon bon oncle, pourquoi avez-vous exigé que je revinsse à Mercoire ? D'abord, mon garçon, parce que je ne saurais trouver de compagnon de voyage plus sûr et plus agréable que vous. D'autre part, désirant, comme vous vous en êtes aperçu, vous faire connaître le monde où vous devez entrer, j'ai profité de cette occasion favorable pour vous introduire dans une maison où l'élite de la noblesse du Gévaudan va se trouver réunie. Enfin, j'avais encore un autre motif. J'ai remarqué, mon cher Léonce, que vous exerciez une singulière influence sur mademoiselle de Barjac. Notre impérieuse pupille semble, en votre présence, retrouver quelque chose de la timidité, de la réserve qui conviennent à une femme bien née. On dirait que votre nature douce, tendre, toute de sentiments et de raisons, déteint sur ce caractère hautain, inculte, tout de spontanéité et d'indépendance. Cette impression s'est manifestée il y a plusieurs années déjà. Vous souvenez-vous, Léonce, de la première visite que nous fîmes à mademoiselle de Barjac aux Ursulines de Mende ? Depuis 6 mois, l'un d'aussi et le pensionnaire était au couvent, et les pauvres sœurs n'avaient pu parvenir encore à lui faire assembler ses lettres. Elle déchirait ses ouvrages de couture et de broderie. Elle injuriait ses institutrices. Elle vint au parloir, les vêtements en désordre, les cheveux épars, et pourtant charmante comme un ange en révolte. Elle accueillit impatiemment mes remontrances et garda un silence farouche. Pendant que, désespéré de cet endurcissement, je causais à l'écart avec la supérieure, vous vous approchâtes de Christine de Barjac. Presque enfant vous-même, vous semblâtes compatir au chagrin de cet enfant indomptable. Elle vous écouta d'abord avec étonnement, puis avec complaisance. Nous ne pouvions entendre votre dialogue, mais nous ne cessions de vous observer l'un et l'autre. Un livre se trouvait là, l'ouvrant au hasard, vous mit à expliquer le mécanisme de la formation des mots à l'écolière attentive. Bientôt, elle saisit le livre à son tour. Un moment, elle hésita, elle balbutia, et il vous fallut donner des explications nouvelles. Enfin, elle reprit le livre, et cette fois, au miracle. Elle lut sans faute une page presque entière. Ce que les institutrices n'avaient pu obtenir en 6 mois d'efforts, vous veniez de l'obtenir en quelques minutes. J'étais confondu d'admiration, et la supérieure pleurait de joie, tandis que l'écolière elle-même demeurait stupéfaite de son merveilleux succès. « Cela est vrai, mon oncle, cela est vrai, » répondit Léonce dans une agitation extrême. « Mais à quoi bon rappeler de pareils souvenirs ?»« Depuis ce temps, poursuivit le moine, j'ai eu de nombreux exemples de l'ascendant que vous exerciez sur elle. À chacune de mes visites au château, je remarque en elle un changement favorable quand vous m'accompagnez. Devant vous, elle est modeste, bonne. Elle réprime ses emportements qui désolent ses serviteurs et ses amis. Elle ressemble enfin davantage à ce que nous voudrions qu'elle fût. Je l'avoue franchement, mon cher Léonce, j'agis surtout dans l'intérêt de notre pupille en vous conduisant chez elle. L'ingrat enfant ne se montre pas toujours très respectueuse envers moi et envers les autres pères de Frontenac. Par cela seul que notre devoir est de la conseiller, de blâmer les écarts de son caractère fougueux. Or, je serais désolé que, dans les circonstances actuelles, mademoiselle de Barjac donna d'elle une opinion défavorable. Vous avez entendu quel jugement fâcheux portent sur son compte les gens du pays. J'ai donc espéré, mon fils, que vous m'aideriez par votre seule présence à maintenir notre élève. Dans les bornes d'un strict décorum, au milieu des gens de qualité qui devront affluer à Mercoire. Et vous, mon oncle, si prudent et si sage, s'écria Léonce avec une sorte de désespoir. N'avez-vous jamais songé au danger que pouvait avoir pour moi de semblables expériences? Mais vous vous êtes trompé. L'influence que vous m'attribuez n'existe pas. Les événements dont vous parlez sont l'effet du hasard. Christine de Barjac, demoiselle de grande naissance et de grande fortune, n'a jamais laissé tomber sur moi un regard d'attention. Elle n'a jamais témoigné à personne autant de froideur et d'éloignement. En me voyant, elle n'éprouve que de la gêne, du malaise. Pour lui plaire, à elle, si vive et si remuante, il faudrait ressembler à ce brillant et frivole seigneur de la Roche-Boisseau, qui s'est vanté si hautement tout à l'heure de la préférence dont elle l'honore. Je ne suis rien pour elle, vous dis-je. Aussi, mon oncle, je vous en conjure, ne me retenez pas longtemps à Mercoire, et quand nous aurons quitté le château par pitié pour moi, souffrez que je n'y revienne jamais. » Ces paroles étaient comme arrachées par une affreuse torture. C'était un cri du cœur qui, cette fois, ne pouvait manquer d'être compris. D'ailleurs, ainsi qu'on l'a deviné sans doute, le prieur n'avait pas attendu les aveux de plus en plus clairs de son neveu pour démêler les sentiments secrets de cette âme candide. Aussi ouvrait-il déjà la bouche, afin d'adresser à Léonce soit des consolations, soit des reproches, quand un regard jeté autour de lui donna un cours différent à ses pensées. Les voyageurs, en effet, étaient arrivés à l'extrémité de la cause. Devant eux, un défilé sombre s'enfonçait entre deux montagnes couvertes d'arbres jusqu'au sommet. Le chemin devenait difficile, raboteux. D'énormes rochers, tombés des hauteurs voisines, laissaient à peine assez de place pour le passage d'un cavalier. Le soleil, qui avait beaucoup baissé pendant la conversation précédente, dorait encore la cime des pics les plus élevés. Mais il ne pénétrait plus depuis longtemps dans cette gorge profonde, où commençaient à s'accumuler des brouillards intenses. Aussi loin que la vue pouvait encore s'étendre, il n'y avait que des arbres à verdure foncée. Une immense et interminable forêt enveloppait dans son réseau de feuillages collines, vallées et montagnes. Ce changement subit de la scène, l'aspect sauvage de ses solitudes, et plus que tout le reste, la certitude qu'on entrait dans le canton où la terrible bête du Gévaudan exerçait ses ravages, était bien de nature à impressionner vivement l'oncle et le neveu. Le prieur se contenta donc de répondre avec une légère altération dans la voix. « J'aurais beaucoup à dire sur ce qui vient de vous échapper, mon enfant. Mais je manquerai en ce moment de la liberté d'esprit nécessaire, et nous reprendrons plus tard ce sujet de conversation. Nous approchons des fonds de la Monadière, où l'on assure que la bête a fait hier encore des victimes. Ne parlons plus, et tâchez de vous tenir le plus près possible de moi. Que Dieu et la Vierge nous protègent. » Léonce ne partageait pas la frayeur de son oncle, mais peut-être n'était-il pas fâché de reculer encore l'explication qu'il avait pourtant provoquée. Il y a toujours dans le cœur de l'adolescent une pudeur qui le fait hésiter à produire au grand jour ses premiers secrets de tendresse. Aussi, le jeune homme ne parut-il éprouver aucun chagrin de cette interruption et obéit-il avec soumission à l'invitation du père Bonaventure. Ils cheminèrent pendant quelques instants avec rapidité, mais plus ils avançaient, plus l'obscurité devenait dense autour d'eux. La forêt était une haute futaie de chênes, de sapins et de ces êtres appelés faillards dans le pays. Ces arbres, rapprochés et touffus, n'eussent pas permis, même à midi et par un jour pur, de lire sous leur couvert. Or, à cette heure de la soirée, dans ces fonds entourés de monts sourcilleux, c'était à peine si une teinte blafarde venait encore du ciel. L'œil ne distinguait plus rien dans leur sombre profondeur. Des broussailles et des ronces projetaient jusque sur le chemin leurs guirlandes épineuses. D'ailleurs, comme on descendait toujours, le brouillard étendait sur le paysage un voile de plus en plus épais. Les sommets des montagnes, les pointes de rochers, les échancrures du sol, tout ce qui eût servi de point de reconnaissance avait disparu. Cependant, les voyageurs n'ignoraient pas que ces bois étaient traversés de routes nombreuses, et qu'une méprise, eu égard aux circonstances, ne serait peut-être pas sans danger. Ils eurent d'abord pour les guider les ornières creusées dans le sol argileux par les charrettes à bœufs qui se rendaient à Mercoire. C'était là un signe certain qu'il se trouvait sur la grande voie de communication du château avec les pays voisins, la plupart des autres allées de la forêt n'étant pas praticables pour les chariots. Mais bientôt cet indice salutaire vint aussi à leur manquer. Le sol changea de nature. Il était maintenant sec, rocailleux, et trop dur pour conserver l'empreinte des roues. Ils attendaient vainement qu'une éclaircie dans les bois, un accident du terrain, un objet familier à leurs yeux leur permît de s'assurer de la direction qu'ils devaient suivre. La brume enveloppait tout de sa désolante uniformité, et les deux cavaliers ne se voyaient, l'un et l'autre, malgré leur proximité, que comme des formes vagues et fantastiques. Enfin on atteignit un endroit où la route se bifurquait, et Léon s'arrêta sa monture. Le prieur, qui récitait son chapelet, afin peut-être de donner le change à sa frayeur secrète, se hâta de l'imiter. « Mon oncle, dit le jeune homme avec embarras, après quelques observations rapides, je pensais que nous étions enfin arrivés à la croix de Saint-Paul, mais je me suis trompé. Nous aurons sans doute passé la croix sans la voir. Connaissez-vous l'endroit où nous sommes? Pour moi, je ne me souviens pas d'y être jamais venu. Et moi de même, mon enfant, répliqua le prieur d'une voix gémissante. Sainte Vierge, nous saurions nous égarer. En tout cas, ce ne saurait être de beaucoup. Mais je voudrais pouvoir gagner les hauteurs. Il doit faire encore grand jour sur la croupe des montagnes. Qu'en dites-vous, mon oncle? Prendrons-nous cette route à gauche qui semble conduire au sommet de la Monadière? Si une fois j'avais un peu d'espace découvert autour de moi, je saurais bien retrouver la route du château. Je me fie à vous, mon garçon, répliqua timidement le père Bonaventure. Je conviens volontiers qu'en ce moment, vos conseils peuvent valoir mieux que les miens. Cela, j'espère, ajouta-t-il en s'efforçant de plaisanter, ne tournera pas à conséquence pour l'avenir. Léonce lui-même paraissait fort irrésolu, quand le son lointain d'une trompe ou d'un cornet retentit sur la gauche, au milieu du silence. « Par ici, mon oncle, s'écria-t-il, nous trouverons certainement du monde de ce côté. D'ailleurs, nous gravirons la montagne et nous nous orienterons d'une manière positive. En marche, donc. Il ne faudrait pas que nous fussions surpris par la nuit dans ces fourrés impénétrables. » Le prieur suivit passivement, mais l'attente de Léon se fut trompée. La route nouvelle, après avoir franchi une légère gibbosité du terrain, redescendait par une pente roide vers ces fonds buissonneux qu'on avait voulu éviter. Les voyageurs égarés durent s'arrêter encore pour délibérer. Pendant cette courte halte, le cornet retentit de nouveau, mais cette fois d'un côté différent. « C'est à n'y rien comprendre, reprit le moine avec anxiété. Le bruit vient de notre droite maintenant. » « Il y a de singuliers effets d'acoustique dans les montagnes, répliqua Léonce d'un air de réflexion. La disposition des lieux et cette brume compacte peuvent causer des illusions très extraordinaires. La personne qui tient l'instrument n'est pas sans doute où elle paraît être. Nous l'entendons tantôt ici, tantôt là, et peut-être se trouve-t-elle à moins de 200 pas devant nous. Dans ce cas, mon enfant, pourquoi n'essayerions-nous pas de l'appeler à notre aide? Essayons, mon oncle. Je le veux bien. » Tous les deux, unissant leurs voix, poussèrent de grands cris à diverses reprises. Et ils se turent pour écouter si l'on répondait à leur appel. Mais il sembla que leurs cris eussent été absorbés par cette atmosphère lourde, immobile et pour ainsi dire cotonneuse. Quelques éclats de voix furent répétés, comme en se jouant par un écho éloigné, puis tout redevint silencieux. Le prieur avait décidément abdiqué l'autorité que son âge et son expérience lui donnaient d'habitude sur son jeune compagnon. « Que ferons-nous, Léonce ? » demanda-t-il. « En vérité, mon oncle, je ne sais. Il me semble pourtant voir des pas de bestiaux imprimés sur le sol, et peut-être cette route conduit-elle à quelque habitation. Continuons donc à la suivre. « Soit, » dit le père Bonaventure. « Aussi bien ne serions-nous pas toujours sous la main de Dieu ?» Cette persévérance des voyageurs ne tarda pas à recevoir sa récompense. La route se remit à monter, comme si elle voulait s'élever sur le flanc de la montagne. Et l'air parut moins chargé de particules humides. Quoique les arbres formassent toujours une voûte épaisse au-dessus de la tête des cavaliers, le jour se faisait sensiblement autour d'eux. Les sons du cornet leur arrivaient aussi plus distincts et plus rapprochés. Ils pouvaient donc croire qu'ils allaient sortir enfin de la situation embarrassante, et peut-être périlleuse, où ils se trouvaient, quand un événement vint changer leurs vagues appréhensions en légitimes terreurs. Ils cheminaient avec précaution, quand un hurlement sauvage partit d'un fourré inextricable, à quelque distance. Les mules restèrent immobiles, dressant leurs oreilles et frissonnant de tous leurs membres, comme il arrive aux animaux timides qui sentent une bête féroce. Le prieur et son neveu se regardèrent. « La bête du Gévaudan ! » murmura le moine en pâlissant. « Que Dieu nous pardonne nos péchés, nous sommes perdus. » Léonce cherchait des yeux un objet dont il put se faire une arme, car il n'avait à opposer que son fouet au redoutable adversaire qui s'annonçait ainsi. « Courage, mon oncle, » répliqua-t-il. « Ce loup, si c'est lui en effet, n'osera peut-être pas attaquer deux hommes à cheval. Si j'avais seulement un bon gourdin. » Le rugissement avait cessé. On entendait maintenant dans les ronces comme un grand corps impétueux et agile qui se frayait passage. Mais le taillis était si serré, l'obscurité si profonde, le brouillard encore si épais qu'on n'apercevait rien. Tout à coup, le hurlement se fit entendre de nouveau. Cette fois, l'animal qui l'avait poussé semblait être à quelques pas seulement des voyageurs. Cette épreuve était trop forte pour le pauvre moine. Croyant déjà sentir ses membres craquer sous la dent du monstre, il se mit à pousser des cris de détresse. Léonce, au contraire, cherchait l'ennemi des yeux, prêt à repousser l'attaque comme il le pourrait, mais son courage ne devait lui être d'aucune utilité. Les mules, effrayées jusqu'au vertige par ce hurlement parti de si près, se cabrèrent, tournèrent sur elles-mêmes et s'enfuirent chacune de son côté. Celle du prieur emporta son cavalier qui s'attachait au crin et continuait de crier. Celle de Léonce, ne trouvant pas d'espace vide devant elle, s'était jetée aveuglément dans les halliers et bondissait avec frénésie au milieu des plantes grimpantes et des épines. Tout ce que put faire le jeune homme fut de se maintenir à cheval pendant quelques instants, malgré les furieux écarts et les violentes saccades de sa monture. Mais son habileté en équitation ne l'empêcha pas d'être enfin désarçonné. S'étant heurté contre les branches basses d'un hêtre, il fut enlevé de la selle et lancé précisément dans la direction où le dernier hurlement s'était fait entendre. Le coup avait été rude, et Léonce demeura tout étourdi, sans mouvement, le visage tourné contre terre. Aussitôt un grondement sourd et guttural retentit à son oreille. Un corps pesant tomba sur lui, et il sentit des dents formidables déchirer son épaule, tandis que des griffes acérées pénétraient dans sa chair, à travers ses vêtements. L'atrocité de la douleur, l'imminence du péril, rappelèrent un peu Léonce à lui-même. Il essaya de se retourner et de dégager ses bras, afin de repousser la bête féroce qui le dévorait tout vivant. Mais les plantes épineuses l'enchaînaient de leurs mille nœuds, le feuillage l'aveuglait. La charge qui pesait sur lui paralysait ses mouvements. Il parvint pourtant à se retourner sur le côté, et une de ses mains tenta d'écarter le monstre qu'il ne pouvait voir. Mais ce ne fut pas une tête de bête féroce que cette main rencontra. On eût dit plutôt une chevelure rude, inculte, hérissée, appartenant à une tête humaine. Dans ce moment terrible, où l'instinct de la conservation dominait tout raisonnement, Léonce ne songeait pas à chercher l'explication de cette circonstance inconcevable. Il continua de se débattre contre les étreintes et les morsures de son adversaire inconnu, et il s'agitait convulsivement sans savoir ce qu'il faisait. La lutte prit fin au moment où le malheureux jeune homme, épuisé, hors d'haleine, presque évanoui de souffrance et de terreur, allait devenir incapable de résistance. Les griffes et les dents cessèrent de le déchirer. Il se sentit débarrassé du fardeau qui l'écrasait. Ranimé par ce changement inattendu, il s'agita énergiquement et finit par se relever sur son séant. Alors, s'appuyant sur le coude, il se mit à promener autour de lui un regard hébété. Toute trace de son formidable agresseur avait disparu. On entendait bien encore une espèce de frémissement dans les buissons voisins, mais on ne pouvait rien voir. D'ailleurs, l'attention de Léonce fut détournée par d'autres bruits qui partaient du chemin et se rapprochaient avec rapidité. C'étaient des sons de cornet maintenant parfaitement clairs, des aboiements vigoureux, et plus que tout cela, la voix du prieur qui appelait d'un ton d'angoisse. Léonce était incapable de répondre. Il restait dans la même posture, doutant encore de sa propre existence. Enfin, il aperçut confusément dans le brouillard deux personnes, l'une à pied, l'autre à cheval, qui semblaient le chercher, et il entendit son oncle qui disait « Léonce, où êtes-vous ? Léonce, au nom de Dieu, si vous êtes encore vivant, hâtez-vous de me répondre. » Le pauvre enfant réussit enfin à vaincre son affreuse prostration. « Par ici, mon oncle, de ce côté. » « Ah ! Nous l'avons enfin retrouvé !» s'écria le moine en sautant à bas de sa monture. « Eh bien, mon garçon, êtes-vous blessé ?»« Je crois que non, mon oncle. »« Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué !» Comme le père Bonaventure allait aider Léonce à se dégager, son compagnon à pied lui dit en patois du pays. « Attention, mon révérend père, la bête ne saurait être loin, car voilà mon chien qui gronde. »« Tout beau, Castor, ne t'éloigne pas, car nous aurons peut-être besoin de toi. » Mais ses craintes ne pouvaient plus arrêter le prieur, tout à la joie de retrouver son fils d'adoption. Il franchit les obstacles, sans égard pour sa robe monacale, et vint serrer dans ses bras le pauvre Léonce qui recevait passivement ses caresses. Ce fut seulement quand le jeune homme, avec le secours de son oncle, eut regagné le grand chemin, qu'il fut possible de prendre une idée exacte du déplorable état où il se trouvait. Son chapeau était défoncé, ses vêtements étaient déchirés, ses mains et son visage inondés de sang. On voyait une large plaie à son épaule gauche, comme si un lambeau de chair eût été arraché par un coup de griffe ou de dent. Le père Bonaventure, effrayé, se hâta de bander la blessure avec son mouchoir et avec celui de Léonce. Le nouveau venu l'aida de son mieux dans cette charitable besogne. « Miséricorde, monsieur, disait cet homme en patois, avec terreur. Vous l'avez échappé belle. Une minute plus tard, vous étiez dévoré. » Celui qui parlait ainsi et qui avait si efficacement assisté les voyageurs en péril était, comme on l'a deviné sans doute, Jean Godard, le patour de Mercoire. Après avoir quitté Langogne, il avait pris un chemin de traverse, praticable seulement pour les gens à pied. En entrant dans la portion de la forêt où la bête exerçait ses ravages, il avait eu l'idée de sonner du cornet de pâtre qu'il portait avec lui, afin de se préserver des attaques de l'animal féroce. Il avait entendu pourtant les appels de l'oncle et du neveu, et devinant qu'il s'agissait de personnes égarées dans le brouillard, il avait eu l'humanité de se mettre à leur recherche. Les cris partis au moment de la catastrophe avaient attiré son attention, et il avait failli être renversé par le prieur qu'emportait sa monture. Ils étaient parvenus cependant à se rapprocher, et après une courte explication, ils étaient accourus à l'aide de Léonce, qu'il supposait avec raison en grand péril. Du reste, le pauvre jeune homme, ainsi miraculeusement délivré, ne pouvait faire aucune question. Sa présence d'esprit ne revenait que lentement. « Mon oncle, dit-il enfin d'une voix altérée. L'avez-vous vu? Certainement. Il a passé près de vous. Qui donc? Demanda le prieur avec étonnement. Mais cet homme, ce misérable qui m'a blessé. Un homme? Rêvez-vous? Sans doute ce malheureux enfant aura reçu un choc violent à la tête. Réfléchissez donc, mon cher Léonce. Ce n'est pas à un homme que vous venez d'avoir affaire, mais bien à ce monstre qu'on appelle la bête du Gévaudan. La bête du Gévaudan? En êtes-vous sûr, mon oncle? Demanda Léonce, dont les idées se réveillaient peu à peu. En vérité, je n'oserais rien affirmer, car je sais à peine où je suis. Cependant, je ne puis croire que ce soit une bête féroce qui m'a si maltraité. Hé, montée divine, que serait-ce donc? Dit le patour. Si vous pouviez voir la plaie que vous avez là sur l'épaule, vous n'auriez plus de doute à cet égard. Quelle dentée! C'est une pitié. Mais allons, messieurs, il s'agit de ne pas froidir ici. La nuit approche et la bête est diablement opiniâtre. S'il lui prenait fantaisie de nous assaillir de nouveau, nous pourrions ne pas nous trouver les plus forts. Il n'y a rien de bon à gagner dans ces bois après le coucher du soleil. Ce brave homme a raison, dit le prieur, qui, rassuré sur le compte de son neveu, recommençait à s'alarmer pour lui-même. Partons sans retard. Quel funeste et lugubre lieu, n'y restons pas davantage. Aussi bien, Léonce, mon enfant, vous avez besoin de prompt secours. Courage donc, et tâchons d'atteindre au plus vite le château. Il ne fut pas difficile de retrouver la mule de Léonce. Après la chute de son cavalier, elle s'était abattue elle-même et demeurait tellement empêtrée dans les buissons qu'elle ne pouvait se relever. Ce fut à grand-peine que Jean Godard parvint à la remettre sur pied, et il s'empressa de la mener à son maître. Mais dès les premiers pas, on reconnut que le blessé était incapable de se soutenir à cheval. Sa tête oscillait de droite à gauche, son bras malade ne pouvait porter le poids des rênes. Alors Jean Godard n'hésita pas. Il sauta sans cérémonie sur la croupe de la mule, et tandis qu'il serrait d'un bras le neveu du prieur contre sa poitrine, il saisissait les guides de l'autre main en s'écriant « En route! En route! Quand nous serons hors du bois, nous verrons à nous arranger mieux, mais ce n'est pas le moment de nous dorloter. Voici Castor qui dresse les oreilles et grince les dents. En route! Et toi, Castor, tiens ferme! Dans un quart d'heure, nous serons hors de danger. » Il poussa la mule en avant et Bonaventure le suivit, tandis que le dogue marchait le dernier en grondant et en tournant fréquemment la tête. Fin de la section 4, lue par Stéphanie.